Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, Jim Morrison, la dernière escale du vaisseau de cristal. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Cédric Ossire. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'un chanteur de rock, et pas n'importe qui, Jim Morrison. Chanteur d'un groupe, et pas n'importe lequel, les Doors. En effet, rares sont les groupes qui marquent à ce point l'histoire du rock. Formé à Los Angeles en juillet 1965, le groupe se dissout en 1973, 2 ans après la mort du chanteur Jim Morrison. En 6 ans d'existence et moins de 10 albums, le groupe devient un mythe. Sa musique a influencé de nombreux artistes. Des titres cultes comme Break and Throw ou Light My Fire, The End ou encore Riders on the Storm, les Doors ont vendu plus de 32 millions d'albums aux États-Unis et plus de 100 millions à travers le monde. Mais les Doors, c'est aussi la révolte, celle de la fin des années 60. L'Amérique est en pleine crise d'identité, déchirée par les révoltes noires et la guerre au Vietnam. Les Doors incarnent cette rébellion et accompagnent les mouvements de protestation et de libération non violents prônés par les hippies. Dans cette aventure musicale hors du commun, il y a au centre Jim Morrison, le poète maudit, le Rimbaud en cuir noir, comme la presse française le surnommait alors. Jim Morrison, le sulfureux. En 1970, il est à son apogée, mais il ne contrôle plus vraiment son image et sa carrière. Alors il s'enfonce de plus en plus dans l'alcool et dans la provocation. Chanteur et poète maudit, il ne trouve plus sa place aux États-Unis. Et en mars 1971, il part pour la France, Paris. Il quitte le groupe, il veut écrire des poèmes et retrouver son amie Pamela Courson. 4 mois plus tard, il meurt, comme avant lui Jimi Hendrix ou Janis Joplin, tous morts à 27 ans. Mais autour de sa mort, plane encore beaucoup de mystères. Sa tombe au Père Lachaise à Paris accueille toujours ses nombreux fans. Alors, qui était Jim Morrison ? En septembre 1981, le magazine Rolling Stone titrait « Jim Morrison, he's hot, he's sexy and he's dead ». Il est brûlant, il est sexy, il est mort. Pour nous accompagner et nous aider à découvrir ce personnage complexe et extrême, nous recevrons Mishka Sayas, écrivain, journaliste, producteur et présentateur de Very Good Trip, l'émission quotidienne de rock sur France Inter. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jim Morrison, la dernière escale du vaisseau de cristal. De Vincent Hazard. Réalisation, Cédric Ossire. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Pouvez-vous me donner asile? Je dois trouver un endroit où me cacher. Un endroit pour me cacher. Je n'en peux plus. Can you find me soft asylum? I can't make it anymore. The man is at the door. L'homme est à la porte. Jim, t'es là? Je te cherchais partout. Pam. Je croyais que tu m'attendrais dans la chambre d'hôtel. Je suis montée, puis finalement à l'accueil, ils m'ont dit que t'étais partie à pied. Je me suis inquiétée. J'ai eu peur que t'aies changé d'avis. Non, je suis là. Je tenais pas à rester dans cette cage dorée. Je sais. Je sais, c'est pas ton style. Mais le Georges V est un hôtel discret. Sûrement. On va faire ce qu'on a dit. On va se trouver un petit nid d'amour. Pam, on fera comme tu veux. Oh, on va être bien ici. On va prendre un nouveau départ. T'as fait bon voyage? Ouais. Pas trop douloureux, les adieux? Non. T'as fait quoi depuis que je suis partie? J'ai dit au revoir. Pas grand chose d'autre. T'es sorti? Un peu. Je suis allé voir le combat de Mohamed Ali. T'as fait le voyage Los Angeles-New York juste pour ça? Oui. T'étais seul? Non. Je préfère pas savoir. J'étais seul, t'inquiète pas. J'ai juste pris l'avion, aller-retour. Je suis revenu le lendemain. Juste le temps de faire les valises. Ok. Ok, j'aurais pas dû te poser de questions. J'ai pas revu Patricia. Ok. J'ai tellement hâte de démarrer notre nouvelle vie. Moi dans la mode. Et toi avec ta poésie. You gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. Hey, Alain. Salut, Jim. Entre. Entre. Comment tu vas? Ça va. C'est cool que tu sois venu. Paris, c'est un peu ma deuxième maison, tu sais. Un séjour ici avec toi et Pam, ça se refuse pas. Elle est là? Elle est sortie. Tu es bien installé? Oui. Ouais. Enfin, c'est pas chez nous, on se loue. Mais tu vas rester ici? À Paris, oui. Vous avez fini l'album avec le groupe? Ils finissent sans moi. J'ai enregistré toutes mes parties. Tu en es content? Très. Il y a des titres super. L.A. Woman. C'est ma chanson d'adieu à la ville. J'ai hâte d'entendre ça, alors. C'est spacieux ici. Ça a une âme. L'immeuble a au moins 3 siècles. Ça appartient à un ami producteur et sa copine, une mannequin française. Bon, ils sont tout le temps partis, ça nous va bien. C'est calme. Tu vas pouvoir écrire. C'est l'idée. C'est l'idée. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Si vous prenez cet homme en stop, la petite famille mourra. Un tueur sur la route, c'est de ça que ça parle. Un tueur sur la route. Un tueur en série. Dangereux, paumé. Ça a l'air d'être un très beau film. Alain, c'est déjà dans la boîte. J'ai tourné avec Franck Lisciandro. Tu te rappelles de lui? Mais oui, il était à l'école de cinéma avec nous, il est devenu réel. Ouais, il a filmé et je joue le psychopathe. Pour l'instant, on l'a pas encore montré. Et je me suis dit qu'avec tes contacts à Paris, tu pourrais organiser une projection ici. Tu sais, je suis plus américain que français maintenant. J'ai même pris la nationalité. Tu dors chez Agnès Varda? Ouais. Ben ça, c'est un contact. Tu pourras lui demander, elle connaît tout le monde. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu la connais aussi. Elle t'avait emmené sur le tournage de Podone, non? Ouais. C'était un super moment. Mais c'était grâce à toi. On vient de mondes tellement différents. Elle t'adore, pourtant. Ça s'appelle comment, ton film? Highway, an American Pastoral. T'es sûr que tu ne veux vraiment pas proposer à des producteurs américains? C'est fini pour moi, les States. T'as des nouvelles du procès? Ils m'ont collé 6 mois ferme, je peux plus rentrer. Ouais, t'as fait appel, non? Oui. Mais Nixon et Hoover veulent ma peau. Ils font tout pour m'éliminer. Tu n'avais pas montré tes couilles, au moins. Franchement. J'étais trop défoncé pour m'en rappeler. Mais les autres me disent que non. Et Tony, mon garde du corps, me dit la même chose. En plus, pendant le concert, les flics n'ont pas bougé. Ils m'auraient arrêté direct si je l'avais fait. Non. Non, c'est un coup monté a posteriori pour me faire plonger. Pourquoi Paris? Ici, j'ai pas à mener une vie de rockstar. Et tu sais que j'ai le même âge que Janis Joplin et Jimi Hendrix quand ils sont morts? Arrête. C'est vrai. Si je continuais comme ça, à LA, j'aurais pas passé l'été. Le printemps à Paris, c'est pas forcément plus calme, tu sais. Pour moi, si. Je suis anonyme ici. Je démarre une nouvelle vie. Plus de Jim Morrison. Je vais prendre un nouveau nom. Jim. Mom. Jim. Mom. Jirison. Mister. Mige Horizon. Mr. Mige Horizon. Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Raisin. Je crois que je l'ai retrouvé. Oh, j'ai retrouvé le mojo. Je l'ai bien senti monter. On se retrouve enfin. Bah ouais, quand t'es là. Oh. T'as peur que je t'abandonne, mon petit ours en peluche? À quoi tu passes tes journées? Aujourd'hui, j'étais avec ma copine peintre, à Saint-Michel. Là, j'ai besoin d'inspiration aussi pour mes robes. Toi, tu te balades bien avec tes carnets. Je voulais m'enivrer de l'énorme catin, dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Que tu dormes encore dans les draps du matin, lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes dans les voiles du soir passementés d'orfin. Je t'aime, ô capitale infâme, courtisanes et bandits. Tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes. Ça va, monsieur? Ça va. Ça va, merci. Vous êtes sûr? Vous voulez que j'appelle un docteur? Non. Non, ça va. Une autre bière, s'il vous plaît. Merci. Je me débrouille avec mes trois mots de français. Tant que les mecs comprennent un whisky, s'il vous plaît, ça suffit. Tu t'es calmé un peu, quand même? Ouais. Il y a plein de bars ici. Les gens boivent du vin au petit déjeuner. Franchement, tu me vois? Je fais gaffe. Ça n'a rien à voir avec ce que je buvais avant. Bon, sinon j'ai parlé à Agnès. On va pouvoir faire une projo. Oh, génial! Bam! Bam! Jim. Jim. T'inquiète, ça va aller. On va te tirer de là. Et tiens bon. Ça va aller, mon pote. Est-ce qu'il y a un risque que ça recommence? Un risque? Votre ami doit faire très attention. Vous fumez et vous buvez trop. Il faut vous calmer. Je sais, je sais. Si vous continuez, c'est simple, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtez. Arrêtez alcool et tabac. Vous prenez d'autres substances? Non. C'est déjà ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ça dépend de vous. Ça va, j'ai compris. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'il vient faire à Paris? Il vient se suicider? Non. Non. Au contraire, il est venu pour essayer de s'en sortir. Ah. Ah, tiens, Jim. Ça va? Salut. Salut. C'est Jean de Breteuil, l'ami dont je t'ai parlé. Ouais, j'ai entendu parler de toi. Moi aussi, j'ai entendu parler de toi. Comment tu te sens? T'as plus mal? Non, ça va. En tout cas, l'hôpital américain, c'est là où sont soignées toutes les personnalités. T'es entre de bonnes mains. Je sais. Tu devrais te reposer. Tu veux pas retourner t'allonger? Non, ça va. T'es ivre? Non. Pas encore. Écoute, fais-toi un café. Nous, on va se mettre un peu dans la chambre pour poser les affaires. Me prends pas pour un con, Pam. On n'en a pas pour longtemps. Pam! Pam! Me prends pas pour un con! Arrête avec cette merde! Ouvre! slip into unconsciousness. I'd like to have another kiss, another flashing chance, and bliss, another kiss, the days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Avant que tu ne sombres dans l'inconscience, je voudrais un autre baiser. Un autre baiser. Les jours sont clairs et remplis de peine. Enveloppe-moi dans ta douce pluie. Nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons. Alors, c'était quoi votre trajet exact? J'ai perdu. Espagne, Grenade, Maroc, Tanger, Marrakech, Casablanca. Et la Corse? 4500 km en tout. Ça fait pas tant que ça, en fait, vu ce qu'on a traversé. Ça vous a fait du bien, ce petit voyage, on dirait. Ah oui. Regarde Jim. Il a même rasé sa barbe, sans me le dire. On était à Marrakech, j'étais sur le bord de la piscine, et là, je vois un beau mec hyper sexy qui arrive. Et c'était lui. Il a perdu du poids, en plus. Il est trop beau. J'ai plus besoin de la barbe. Ici, personne ne me reconnaît. De toute façon, je suis tranquille. Oh, j'ai pas vu l'heure. Faut que je file. Tu pars comme ça? Oui. Je vais au yoga. Ah, tu es contente de la prof? Tu sais qu'on me l'a recommandé pour son anglais, mais ses cours sont bien. Ah ouais, elle est super. À bientôt. Tu parles. Elle y allait une fois. C'est moi qui y vais maintenant. Ah. Elle est comme ça. Elle disparaît, elle revient. Ça marche, le magasin? Celui de LA marche bien, on a un gérant. Ici, on va voir ce qu'elle va faire. T'as l'air préoccupée. Elle traînait avec des mecs louches. Un certain Jean de Breteuil. Je connais pas. C'est un petit merdeux qui traîne dans le showbiz. Un noble? Il utilise ça. C'est juste un petit dealer de merde. Ah. Je le connais parce qu'on raconte que c'est lui qui vendait sa cam à Janis Joplin. Effectivement. Faudrait qu'elle évite de traîner avec des gens comme ça. Elle prend pas les trucs, au moins. Non, non. Il nous suit partout en ce moment. On l'a même vu au Maroc. Il a une maison là-bas. Je voulais qu'on disparaisse comme Rimbaud en Afrique, mais ce genre de parasite, ça s'accroche. Il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser. C'est lui qu'il faut faire disparaître. Dis pas de conneries, Jim. There's been a slaughter here. Don't stop to speak or look around. Your gloves and fan are on the ground. We're getting out of town. We're going on the run. And you're the one I want to come. Come on! On prend la fuite. On quitte la ville. Continue de parler ou de regarder partout. Il y a eu un massacre ici. Et tu es celle qui va m'accompagner. Pas pour toucher la terre, pas pour voir le soleil. Rien d'autre à faire que de courir, courir, courir, courons. Jim, t'es tout seul? Bon, tu veux quoi? Du Chivas? Je te laisse la bouteille, ok? T'es sûr que t'es bien, là? Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ça va? Jim, t'as l'air un peu fatigué. T'aimes cette gilet là-bas? C'est du coton, c'est très doux. Je pense que je vais en commander pour le magasin à LA. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais le tuer, ton Aristo. En duel, à l'ancienne. Je parie qu'il sait même pas tenir un flingue, le petit merdeux. Ou à main nue, tiens, s'y refuse. Arrête. Tu délires. J'ai rien pris. Je suis sérieux, je vais le provoquer en duel. Arrête de faire ton jaloux. C'est qu'un gamin. Jim, qu'est-ce que c'est que ces ondes agressives, là? Laisse couler, on est là, ensemble. Mon amant cosmique. Mais il est bien là, lui. Entre nous. Avec sa merde que tu t'enfiles dans les veines. C'est ça, le problème? Il détruit. Il nous détruit. Je peux m'en passer. Si j'en prends, c'est parce que j'aime ça. C'est de la merde. Tu parles sans connaître. C'est pas aussi abominable que tu le crois. Je pourrais jamais être accro à ce truc. Rien que de voir la seringue, ça me rend malade. C'est tellement mieux que la coke, en plus. Ça te rend très con, la coke. Toi qui aimes les voyages, celui-là, c'est un fixe qui te scotche pour de bon. Et puis fuck de Breteuil. Si tu veux, je le verrai plus. J'en trouverai ailleurs. Moi, je veux pas que tu sois comme ça. On a tout pour être heureux ici. Tu vois, t'as pas besoin d'aiguille. Je t'aime, tu sais. Allô? Hey, John. Jim. Comment ça va, mon pote? Ça va, et toi? T'es à Paris? Ouais. C'est cool, mec. Comment vont les autres? Eh bien, on répète un peu sans toi, mais c'est pas pareil. Eh, tu sais quand même que l'album est sorti. Ouais. Alors? Mec, ça cartonne. On vient de sortir Rider on the Storm en deuxième single, c'est énorme. On a des critiques super. Rolling Stone a fait un article, faut que tu vois. On est revenu au top, mec. Excellent. Ouais. Eh, du coup, ça me démange grave de jouer sur scène. Ah, j'imagine. Moi aussi. Vous me manquez. Tu vas revenir bientôt? Ouais. J'ai des choses à finir ici, mais je vais venir. On va jouer l'album sur scène. Waouh, mon pote, c'est une super nouvelle, ça. Ça va? La vie parisienne, ça te plaît? Ouais, ouais, ça va, ça va. Et Pam? Super. Super, elle va super bien, c'est... C'est une ville qui booste les énergies créatives, tu sais, on est à bloc. Tant mieux. Tant mieux, mec. Tu pas plutôt du shit au moment que ça passe? Ta gueule, Jim! Pardon. Pardon, je dis n'importe quoi. Oh, j'ai hyper mal, le shit fera rien. Les somnifères. Non. Non, non. De Breteuil est pas là. C'est pas évident de trouver sur Paris, personne en prend ici. Mais il y a un gars qui arrive de Marseille. Il sera au Rock'n'Roll Circus après minuit. Jim, mon amour. Je t'en supplie. J'ai besoin que t'y ailles. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok. C'est Alain. Dis rien. Hé, hey, ça va? Salut. Ça te dirait d'aller faire un petit tour? Si tu veux. Moi, j'étouffe ici. Bon, tout est en place pour lundi. T'auras plein de producteurs et de distributeurs qui seront là. Le film est long? Non, moins d'une heure. Super. On a la salle pendant 2 heures, donc t'auras 1 heure de cocktail pour discuter avec les distributeurs intéressés par le film. Ah, c'est génial. Miss Fiandro va être aux anges. Faudra que tu remercies Agnès Varda. C'est vraiment une nana sur qui on peut compter. Elle t'aime bien. Et peut-être qu'elle espère encore que tu dises oui pour jouer dans son film. Non, oh, oui, pourquoi pas. Ça va sinon? Tu continues le yoga? Ouais. On a parlé de Nietzsche la dernière fois. Je vois pas trop le rapport entre Nietzsche et yoga. Non, il n'y en a pas vraiment, mais... mais son rapport à la mort m'intéresse. Comment ça? Ce qu'il dit sur le suicide est paradoxal. Et contre? Oui. Je trouve que c'est lâche pour ceux qui n'arrivent pas à surmonter leur propre éternité. Je suis assez d'accord. Il faut de la volonté pour assumer qui on est. Et devenir qui on est. Mais par contre, il justifie le suicide comme point terminal de la vie. Quand c'est acte de courage en fin de vie. Comme les vieux qui se suicident, par exemple. C'est paradoxal. Il nous explique, d'un côté, que la vie n'a pas de sens, mais au final, il dit qu'elle vaut la peine d'être vécue. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Ça m'étonne pas. Ça va mieux avec Pam ? Beaucoup mieux. On parle beaucoup en ce moment. Et elle voit plus l'aristo. Tant mieux. Ça va, je t'assure. T'en prends un ? Non, Jim, faut vraiment que j'y aille. Je dois voir Agnès, justement. Allez, encore un. Non, je t'assure. Vous n'avez pas prévu de sortir ce soir ? Ce soir, non. Fais pas le con, faut que tu te reposes. Ah, je sais. Faites des soirées tranquilles. Allez voir La Vallée de la Peur, là, avec Robert Mitchum. Il joue en ce moment à l'Action Lafayette. C'est une bonne idée. Il faut vraiment que j'y aille. Attends. Il faudrait que tu me traduises en anglais quelques papiers que t'as ramenés. Il faut vraiment que j'y aille. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre ? Non, mon pote. J'ai personne d'autre. Bon. Je te le ferai, mais lundi, là, il faut que j'y aille. Ok. Vas-y, file alors. Tu me diras si t'as aimé le film. Promis. Que fais-tu ici ? Que veux-tu ? De la musique. On peut faire de la musique, mais tu veux plus. Tu veux quelque chose et quelqu'un de nouveau. Ai-je raison ? Bien sûr, je sais ce que tu veux. Tu veux l'extase, le désir et le rêve. Les choses ne sont pas vraiment ce qu'elles semblent. Je t'amène par ici, il tire par là. Je ne chante pas pour une fille imaginaire. C'est à toi que je parle, à moi-même. Recréons le monde. Le palais de la conception brûle. Regarde, vois-le brûler, se dorer aux charbons incandescents. Tu es trop jeune pour être vu, tu n'as pas besoin de leçons, tu veux voir les choses comme elles sont. Tu sais exactement ce que je fais. Salut Jim. Qui ça? Oui, je crois qu'il est là. Tu le connais? Je te présente, mais bon, tu fais tes affaires sans moi, ok? Ok, je vous laisse. Pourquoi c'est toi qui viens? Pas mais pas là? Ok. Ok. Tu veux combien? Ah ouais, j'ai. Mais il faut du liquide. Du cash. Tu peux tester, mais fais gaffe. Hein. C'est très pur. Très pur. Je connais, hein. Comme tu veux, mais je veux le cash maintenant. Je bouge pas, mec. Je bouge pas. Barre-toi ! Barre-toi ! C'était Jim Morrison, la dernière escale du vaisseau de cristal, de Vincent Hazard, avec Pierre Rochefort, Sarah-Jane Sauvegrain, Pierre Moore, Amir El Kassem, Étienne Launay, Xavier Brossard, Emmanuel Bloch, Frédéric Audron. Bruitage, Benoît Fèvre. Prise de son, montage, mixage, Emmanuel Armingue, Olivier Dupré. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossir. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. They croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Affaire sensible, la fiction. On a eu la chance de le connaître par un ami avec qui elle avait fait ses études, Alan Roney, en qui il avait très grande confiance. Comme tous les jeunes Américains de l'époque, ils étaient impressionnés par les auteurs de la Nouvelle Vague. Et il a écrit des paroles de poèmes, en fait. Hein. Et la plupart de ses autres poèmes, même s'il ne les a pas mis en musique, il ne les a pas tous utilisés dans son complet d'ors. Il a publié, c'était son but, c'était d'être un écrivain. La référence à Rimbaud était quand même dans l'air. Et aussi la référence à Baudelaire. Moi, je me souviens de parler de Baudelaire avec Jim Morrison. On parlait de poésie, de littérature, de cinéma aussi. On ne parlait pas de sa carrière en tant que star. Je sais que quand il venait dîner, pas très souvent, mais il savait qu'on n'appellerait pas de photographe, il savait qu'on ne le dirait pas à Paris Match, je ne sais pas comment dire. Il savait qu'il était dans une maison où il était reçu en ami, en poète. Maintenant, son amitié, je ne peux pas en faire non plus plus que ce qu'il donnait, parce qu'il était quand même très secret, très difficile, très silencieux souvent. On l'aimait beaucoup, mais on l'a vu très peu quand même. Ce que je garde en mémoire, c'est quand même d'un homme exceptionnel. On parle des Doors quand même. Le titre du groupe avait été choisi par Jim Morrison d'après un poème de William Blake. Parce que il y a des choses que l'on sait, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et entre les deux, il y a les portes. Et je trouve très intéressant d'avoir choisi comme nom de groupe ces portes qui sont quand même la séparation, justement, le mur entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et finalement, quand on passe la porte ultime, on est là où il est. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jim Morrison, la dernière escale du vaisseau de cristal. Notre invité, Mishka Assayas, écrivain, journaliste et producteur de Very Good Trip, l'émission quotidienne de rock sur France Inter. Bonjour Mishka Assayas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Faites comme chez vous. Vous êtes chez vous parce que vous êtes. Oui, mais je connais pas ce studio. Ah, vous connaissez pas ce studio. Non. C'est le studio 700 quelque chose. Je sais pas. Enfin, ça change rien. Ouais. Voilà. Vous êtes le producteur et présentateur de Very Good Trip sur France Inter. Vous êtes écrivain, journaliste, fin connaisseur des Doors et d'autres groupes, hein, tout ce qui est la planète rock. Vous avez écrit la préface d'un livre intitulé Jim Morrison ou les portes de la perception, écrit par Jean-Yves Rozeau, et votre dernier livre. Alors là, en tant qu'auteur, hein, vous-même. S'intitule, bah, comme le titre de l'émission de France Inter, Very Good Trip, le rock au pays des rêves, aux éditions Le Mot et le Reste. C'est bien cela? Oui. Bon, alors dites-moi, d'abord, le nom, les Doors. Alors, poème de Blake, oui. Alors moi, j'ai une autre version qui est assez charmante aussi. Ce serait les portes de la perception d'Aldous Huxley. Oui, c'est Huxley, hein, qui citait Blake. Ah, qui citait Blake, d'accord. Voilà, c'est ça. Bon, les portes de la perception. C'est-à-dire qu'avec les Doors, on s'est mis à percevoir des choses qu'on n'avait pas perçues peut-être avec les autres. Oui, au moyen de quelques substances pouvant, voilà. Pouvant aider à atteindre cet état de conscience particulier, oui. On vient d'écouter l'archive d'Agnès Varda sur Jim Morrison. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, ça m'a beaucoup touché. Ce que je vous disais, elle a une voix extrêmement juvénile. J'avais l'impression. C'était en 2001. On a l'impression qu'elle en parle comme si elle l'avait quitté six mois avant. Enfin, je savais qu'elle était proche, Jacques Demy et elle étaient proches de Morrison, oui. Alors, on va commencer par le début, c'est très rationnel. Donc, le début du groupe, nous sommes en Californie, à Los Angeles, en juillet 1965. La rencontre entre ces deux étudiants diplômés de l'UCLA, Jim Morrison et Ray Manzarek, sur le Venice Beach, hein, la plage bien célèbre, bien connue de Los Angeles. Et qu'est-ce qui se passe là? Il se passe une scène qui est très jolie, à la plage. Ah oui, ils se promènent sur la plage et en effet, Jim Morrison récite un poème à Ray Manzarek et il lui explique que, en fait, il n'a fait que restituer la vision qu'il avait d'un concert de rock qui s'était déjà déroulé dans sa tête. Et en effet, c'est ça qui est extraordinaire avec Jim Morrison, c'est qu'il il est déjà comme une espèce de grand prêtre ou de chaman qui capte des vibrations qui dépassent sa propre personne. Et il se voit déjà comme captant les vibrations des puissances supérieures. Et il lui entonne Moonlight Drive. Moonlight Drive, oui, oui. Et Raymond Zarek, si l'on en croit Oliver Stone dans son très beau biopic sur les Doors, oui. Tombe sous charme, il est même fasciné, quoi, parce qu'il entend et parce qu'il voit aussi cette visage d'ange là de Jim Morrison. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le cas de Morrison, c'est qu'en fait, en effet, comme dit Agnès Varda, c'est un poète à la source. C'est quelqu'un qui a lu Nietzsche, qui a lu Rimbaud, qui a lu Blake, bien sûr. Et au fond, on dit groupe de rock, mais au fond, Morrison n'aimait pas le rock and roll. C'est pas quelqu'un qui s'inscrivait dans une tradition. Il aimait le blues, ça oui, profondément. Ça s'entend. Hein. Voilà, il aimait profondément le cri viscéral du blues. Il aimait le jazz. Ray Manzarek est un pianiste de jazz de formation classique. Et il n'aime pas du tout le spectacle banal et conventionnel d'un groupe de rock. Ça ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui utilise la musique comme, justement, un prêtre ou un chaman utilise... C'est un véhicule. Voilà, c'est ça. C'est un instrument pour atteindre une forme de transcendance. Enfin, il y a quelque chose, évidemment, de messianique, de religieux, de païen. Enfin, c'est pas du rock chrétien. Hein. On est vraiment en deçà ou au-delà. Hein. Ce que illustre à merveille, me semble-t-il, la chanson The End. Il y a tout dans The End. Bah, c'est-à-dire que, en fait, si quelque chose a été inventé par Jim Morrison dans cette musique qu'on ne peut qu'appeler de manière vague le rock, c'est l'expulsion de ses propres démons sur une scène au sens d'une psychothérapie. Parce que il y a un épisode quand même qui est extraordinaire dans l'histoire des Doors, c'est que un soir dans cette boîte du Sunset Strip qui s'appelait le Whisky à Gogo, où beaucoup de groupes californiens avaient fait leur début, les Doors ont créé vraiment une sorte de scandale parce que à un moment donné, Jim Morrison s'est mis à hurler qu'il voulait tuer son père et sa mère. Eh oui. Mom, I want to kill you. Voilà, voilà exactement. Mom, I want to fuck you. Oui, c'est ça. Enfin, I want to kill you. Oui, voilà, il disait qu'il avait des rapports très conflictuels avec son père qui était un militaire très rigide. Et il y avait quelque chose, en effet, qui n'était pas réglé dans sa tête vis-à-vis de sa famille, de ses parents, de toute évidence. Et il a utilisé la musique pour expulser ce qu'il y avait de pire en lui. Et ça, c'est quelque chose peut-être avec lequel on a été familiarisé avec les groupes punk, etc., qui, au contraire des groupes de la génération Woodstock, expulsaient tout ce qu'il y avait de négatif, d'horrible, de sale, etc. Mais on n'avait pas vu ça. Et ce qui est frappant chez les Doors, c'est le contraste entre cette violence intérieure qu'il y a chez Jim Morrison et une forme de douceur dans son timbre qui parfois est un timbre de crooner. Oui. Quand il chante Light My Fire, c'est très doux. Il aimait Sinatra. Riders on the Storm. Très doux. C'est très doux. Et il y a une sorte, si vous voulez, un peu de calme avant la tempête ou après la tempête. Qu'à de lire avec Riders on the Storm. Exactement, le Storm. Mais bah oui. Et c'est tout à fait à part dans l'histoire du rock. C'est quelqu'un qui est tombé dans le rock et qui a compris qu'il fallait qu'il l'utilise pour que sa poésie ait, je dirais, le plus de rayonnement possible. La rencontre avec Manzarek est importante. Hein. Souvent, un groupe tient par la rencontre de deux grands. C'était le cas avec les Beatles, c'était le cas évidemment avec les Stones. C'est le cas aussi avec les Doors, parce que Manzarek, moi je ne les connais pas hein, malheureusement, je n'ai jamais passé une minute avec eux, mais de ce que je sais, c'est que la personnalité de Manzarek, c'est plutôt celle d'un grand frère. En fait, il est beaucoup plus calme, il est très différent. Peut-être que c'est cette complémentarité qui fait la force du groupe. Manzarek, vous savez, c'est quelqu'un qui avait fait des études très sérieuses. Enfin, il se destinait à devenir banquier. Et il avait tout arrêté pour étudier le cinéma. Et d'ailleurs, ils s'étaient rencontrés à UCLA parce qu'ils étaient tous les deux étudiants en cinéma. Bon. Alors, Manzarek, en effet, a quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Puis c'est un musicien. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de jouer Tchaïkovski, qui connaît pas le jazz ancien et moderne comme sa poche. Son solo sur Riders on the Storm. C'est merveilleux. Merveilleux. Ouais. Merveilleux. Et puis en plus, il avait introduit quelque chose de très particulier dans la musique, d'ailleurs qui n'était pas orthodoxe et qui avait fait que les Doors avaient parfois eu du mal à trouver des engagements dans des boîtes de rock traditionnelles, c'est qu'il n'y avait pas de bassiste. Hein. Manzarek assurait les parties de basse à l'aide du pédalier de son orgue, et il avait un second clavier aussi. Donc c'était en fait une formation qui était beaucoup plus proche d'un petit orchestre de jazz que d'un groupe de rock, oui, de rock and roll. Krieger est à la guitare. Solo, absolument. Desmoretta à la batterie, mais il y a un jeu très jazzy. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de bassiste, effectivement. Il n'y a pas de bassiste. Et alors, ce qui est très intéressant à noter aussi, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça s'est reflété dans leur façon de jouer, mais et Krieger et Densmore étaient des adeptes de la méditation transcendantale. Mmh. Alors, il y avait un côté effectivement très hippie, etc. Mais je pense qu'il y avait une sérénité dans le jeu des musiciens accompagnant Morrison qui créait un contraste tout à fait étonnant. Parce qu'il y avait lui qui était cette espèce de, oui, on l'a dit, chaman, grand prêtre, mage, enfin tout ce qu'on voudra. Et c'est ces espèces d'accompagnateurs presque neutres derrière qui n'étaient pas du tout dans la démonstration et l'hystérie. Alors, c'est passionnant, on va continuer à en parler avec vous, Mishka, des Doors. On va faire une petite pause et on va écouter. Bien, les Doors, oui. On va écouter Zouzou. Parlez-moi de Zouzou. Bah, écoutez, Zouzou, oui, c'est un choix curieux. Mais je pense qu'il l'a fréquenté à Paris. Zouzou était une figure de la fin des années 60 à Paris. On l'appelait Zouzou la twisteuse. Elle a été actrice chez Eric Rohmer. Et oui, on la voyait. Elle était de toutes les fêtes. Enfin, moi, j'y étais pas. Hein. Et elle chante, tu fais partie du passé. Ah, bah, c'est tout. Et bah, voilà. Voilà. Je ne suis pas la fille dont tu parlais. Une vie c'est bien trop court pour ne pas en profiter. Comment as-tu pu imaginer pourrais vivre les yeux baissés. Il y a tout autour de moi trop de choses à regarder. Vois-tu, moi j'ai trop besoin de liberté pour accepter celle que tu veux bien me donner. Car une fille, ce n'est pas un objet que l'on garde pour soi à ses côtés et qui doit suivre pas à pas sans ne jamais protester. Vois-tu, moi j'ai trop besoin de liberté. Celle que tu veux bien me donner. Mon ami, je crois que tu peux t'en aller. Toute une époque, hein, cette... Ah oui, oui, ça ne rajeunit pas. Non. Zouzou, d'ailleurs, hein, tu fais partie du passé. Ben nous, on aime bien le passé, surtout quand ils appellent Jim Morrison. Avec l'affaire sensible, oui. Ça secouait quand même. Hein. Moi, j'aurais bien aimé les voir en concert. Oui, alors... ça. Mais comment le public réagissait? Parce que ça secouait, quoi. Justement, c'est ça qui est très intéressant à souligner. C'est qu'on a cette vision, surtout, je ne sais pas, depuis le festival de Woodstock, d'un public qui se met en transe, qui danse, qui blesse les bras, qui se met dans des états pas possibles. Or, si vous regardez les documents filmés des concerts des Doors, c'était pas du tout comme ça. Les gens étaient tétanisés. C'est-à-dire qu'ils n'applaudissaient même pas. C'était une cérémonie. Ouais. C'est-à-dire que il y avait quelque chose qui se jouait, qui était de l'ordre en effet de l'expulsion des démons, et les gens étaient absolument, si vous voulez, comme au théâtre, captivés par la performance de Morrison. Est-ce qu'ils attendaient l'événement, quelque chose? Oui, là, il y avait quelque chose. Ils étaient un peu comme un public de prédateurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils attendaient, peut-être, je sais pas, qu'ils se suicident sur scène, qu'ils les entraînent encore plus loin dans une espèce. Enfin, il avait l'impression qu'ils attendaient de lui. Oui, peut-être qu'il se fasse harakiri. Et voilà, et vous voyez où ça, où je veux oui, vous mais mener je sais très bien où vous voulez en venir. Miami. Parce qu'en 69, à Miami, voilà. Lui, il était tellement, d'une certaine façon, effrayé par cette espèce de culte inquiétant qui lui était voué par le public. Je pense que, bon, lui, comme beaucoup de comédiens, c'est une sorte de comédien au sens du théâtre de la cruauté d'Artaud, un comédien vrai. Donc, pour lui, c'était une nécessité intérieure. Il avait besoin de se montrer, côté exhibitionniste. Mais en même temps, il était certainement effrayé par cette adulation qui le dépassait complètement. Parce qu'il était traversé, je pense, par des forces qui le dépassaient, comme beaucoup. Et à un moment donné, il a été tellement... il trouvait que ça devenait un cirque, qu'on attendait de lui qu'il aille encore plus loin, toujours plus loin, etc. Qu'à un moment donné, il a demandé aux gens « Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je me mette à poil? Vous voulez que je vous montre ma bite ?» Enfin, ça a été ça. Ouais, ouais. Et à un moment donné, il l'a fait pendant quelques secondes. Alors là, ça a été évidemment un scandale. Il y avait la police qui était dans la salle pour vérifier un peu comment les gens se comportaient, parce qu'il y avait des femmes qui enlevaient leur soutien-gorge, qui le balançaient sur scène, etc. Enfin, il y avait un côté de délirant, un peu les possédés de Loudun. Alors, évidemment, ça peut paraître contradictoire avec ce que je dis, qui non. était le côté tétanisé du public. Mais à un moment, les vannes sautent. Voilà, à un moment, les vannes sautaient. Je ne sais pas si vous avez vu le film Blow Up d'Antonioni. À un moment, il y a cette scène où on voit Jeff Beck qui casse sa guitare, et pendant tout le concert, les gens sont complètement hiératiques, c'est-à-dire ne réagissent pas. Et puis, au moment où il casse sa guitare, il y a une espèce de d'émeute. Il se déchaîne et il se dispute les fragments de sa guitare. Bon, les Doors, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout explose, mais c'est à la fin. Et quand le concert est fini, d'une certaine façon. Et le fait qu'il ait fait ça, ça a déclenché une émeute. Et il a été arrêté à sa sortie de l'avion pour conduite obscène et lascive, etc. Enfin, et alors, donc là, il y a quand même une certaine forme de dérive. C'est-à-dire qu'il est hyper contrôle. Il ne supporte plus. Pour les Doors aussi, ça commence à se casser à partir de ce moment-là. Oui, deux ans plus tard, il a, il est à Paris, quoi. Lui, il se dit, c'est ridicule. Enfin, là, vraiment, je suis allé trop loin. Tout ça, ça devient un cirque. Et il a voulu, en fait, se retrouver. Et se retrouver, pour lui, ça voulait dire arrêter les spectacles et redevenir un poète, c'est-à-dire qu'il a même songé un moment à publier des poèmes sous l'anonymat. Et puis, il a fait un compromis avec l'éditeur. Il dit, je vais pas m'appeler James Morrison, je vais m'appeler James Douglas Morrison, ouais, qui était son nom de baptême. Et ça, il y a tenu, et c'est pour ça qu'il est allé à Paris, parce qu'il pensait que là, personne le connaissait ou presque. Bon, c'était pas tout à fait le cas, mais il a essayé de retrouver une forme de sérénité. Et puis, il a dit, à la fin, au fond, si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais préféré la situation de l'artiste isolé dans son presbytère en train de cultiver son jardin. Oui, c'était tout le contraire, ouais, de ce qu'il a vécu. Ouais. Est-ce qu'il y a un mystère de sa mort? Est-ce qu'on est sûr ou est-ce qu'il y a eu des polémiques? Non, mais oui, il y a des gens qui... Vous savez, quand des gens atteignent une dimension, je dirais, supérieure à la banalité humaine, mm-hmm, évidemment, on imagine qu'il y a quelque chose de qui est dissimulé, que c'est trop banal, finalement, quelqu'un qui meurt dans une boîte de nuit et qu'on transporte dans un appartement parisien pour le mettre dans une baignoire pour le réveiller, puis ça marche pas, il est mort, voilà. C'est comme, Elvis, Michael Jackson, il y a des gens qui les ont vus après leur mort, on pense qu'il, ouais, est vivant, qu'il se cache, etc. Moi, je me rappelle, quand j'étais lycéen, il y avait des gens dans mon lycée qui allaient régulièrement se recueillir sur la tombe au Père Lachaise, oui, qui était... Et ça continue aujourd'hui, c'est un culte. Oui, oui. Et culte païen, quoi. Oui, oui. Et ils s'asseyaient, ils fumaient des pétards, ils apportaient leur guitare, ouais, je sais pas quoi. Et puis c'était couvert de graffitis, c'était dégueulasse. Enfin, il y avait tout un truc un peu sordide, quoi. C'était un culte morbide. Mmh. Et vous savez, c'est ce côté, cette espèce de croyance surnaturelle que c'est un héros magique et que peut-être sa mort n'est qu'apparence. This is the end, my This friend. This is the end, mais oui. Voilà, les meilleures choses ont une fin. Mais oui, voilà comment on conclut Mission sur l'Ordre. This is the end, my friend, Mishka Assayas. Merci. Merci, infiniment. Fabrice. À bientôt. À bientôt. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jim Morrison, la dernière escale du vaisseau de cristal. Une fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Cédric Ossir. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Alni Oro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves Derolin et Julien Dumont.